Le sol est chaud, mais les voix sont froides. Le sable est rouge, mais nos yeux sont noirs. Heiliske, oh, Heiliske, oh, Heiliske, oh, Heiliske, oh. Le sol est chaud, mais les voix sont froides. Le sable est rouge, mais nos yeux sont noirs. Heiliske. Suivons, Heiliskel, respire nous aussi, à moitié. On a gagné, paraît-il, mais on a laissé des noms, des cris, des mains, des frères. J'ai vu un regard, puis plus rien, j'ai entendu un cri, puis plus personne. Heiliskel tient sa lame, elle pèse plus qu'avant. Elle ne chante plus, elle se souvient. Un nom, un pas, une larme, une dune. Ils ne sont plus là, mais ils sont partout. Sous nos pieds, dans nos ombres, dans nos cendres. On marche pas pour fuir, pas pour avancer, mais pour ne pas s'effondrer. Heiliskel est encore debout, alors nous le sommes aussi. Par respect, par loyauté, par douleur, Heiliskel. Heiliskel ne dort pas, il veille sur ceux qui ne reviendront pas.